billets de malédiction. Mon frère, j'en étais malade, j'avais des frères sous les pressions. J'ai perdu le sens de la vie, le sens de l'amour. Je prenais pas de nouvelles de ma mère ni de mon père, je te l'avoue. Pendant longtemps, j'étais isolé. Comme isolé, ton fils t'aime, si je t'ai fait du mal, maman, je suis désolé. Plein de mythos, les gens parlent. D'où je viens, il fait tout noir. Pourquoi mon âme, j'endors plus le soir. J'endors plus le soir. De ne pas les exposer. Je vis pour eux, je travaille à mort. Je mets de côté en silence. Mon père m'a dit t'en fais beaucoup mon fils, il faut doser. J'ai trop de pression sur les épaules, l'impression d'exploser. Mes descendants ont tous un lien, tous un bien. Leur sécu, moi je veux rien, je veux rien. J'ai des enfants comme petite sœur qui ne voient pas. En des années ils ont dû voir à peine de moi leur papa. La vie met des épreuves, c'est pas facile mais Dieu nous aime. Je m'en fous de mon cœur mais j'ai mal quand je sais que le leur saigne. Vouloir m'éteindre c'est prendre ce que j'ai construit pour mes enfants. De la lumière allume sa lire pour divertir les gens. Plein de mythes,